Chapitre 5e. Le major Granville Varney et Mrs. Granville Varney. Les chaînes des allées de Littlewood Park étaient couvertes de feuilles, et il y avait 6 mois qu'Arthur Walsingham avait épousé la femme qu'il aimait depuis si longtemps. Il déjeunait dans la bibliothèque sur une petite table qu'on avait roulée près de la fenêtre à vitraux de couleur. La lumière passait à travers ces vitraux et teintait la nappe blanche comme la neige et l'ample robe de mousseline de Mrs. Walsingham des couleurs splendides de l'arc-en-ciel. La pièce tout entière était baignée par un soleil d'août, et les yeux bleus de Sir Rupert Little avaient peine à supporter son éclat éblouissant. Des raisins obtenus en serre chaude se cachaient sous de larges feuilles de vigne au milieu de corbeilles rustiques en porcelaine de Sèvres. Un pâté de pigeons, entouré d'une délicate frange de papier blanc, des bocaux de conserve, du miel vierge et un éblouissant service à thé en argenterie magnifique, couvrait la petite table devant laquelle étaient assis les 3 habitants de la maison. Le parfum de 1000 roses entrait par la fenêtre ouverte. Le murmure d'une chute d'eau dans le lac, le bourdonnement des abeilles dans le jardin, les voix d'une myriade d'oiseaux, les mugissements plaintifs des vaches qui paissaient, et le ronron bruyant d'un chat angora couché sur le large appui de la fenêtre se mêlaient en se confondant et formaient un seul bruit monotone, expression du bonheur rustique. Claribel, dit le capitaine, je ne pense pas que nous ayons eu de tout l'été un jour plus splendide que celui-ci. Je vais vous emmener faire une longue promenade, Sir Rupert, et vous. Voulez-vous venir, baronnet ? Le capitaine aimait appeler son petit beau-fils par son titre. Il y avait quelque chose de singulier dans le contraste de ce titre de noblesse avec l'enfant pâle et chétif auquel il s'adressait, qui l'amusait beaucoup. Voulez-vous bien, baronnet, venir promener au-delà des coteaux, passer Beach's Ride jusqu'au joli village, sur la route de Londres, où les pauvres enfants viennent pour voir votre phaéton, vos superbes chevaux et vos groom en livrée ? Eh, baronnet ! Oui, si cela vous plaît, papa. Vous plaira-t-il de sortir en voiture aujourd'hui, Claribel ? Si cela vous plaît, cher Arthur, dit sa femme en pelant une pêche et sans lever les yeux. Pendant cette conversation, un domestique entra et déposa les journaux du matin près de l'assiette du capitaine Walsingham. « Ah ! Voilà le Times et le Morning Post. Que le ciel bénisse ces chemins de fer qui nous apportent à 10 heures les journaux de Londres. Voici la Gazette de Brighton. » Le capitaine déploya le journal du comté, car Littlewood Park n'était qu'à 20 000 de Brighton. « Les Lance, cousins de mon père, vont tous les ans à Brighton en août. Cherchez si leurs noms sont dans le journal, Arthur. » dit Mrs. Walsingham. « Où faut-il chercher ?»« À la liste des arrivées. » »« Il y a toujours une liste des arrivées dans ces journaux. Ils descendent à l'hôtel du vaisseau. »« Bien, nous allons voir. » Le soleil d'août donnait-il avec tant de force dans les yeux du capitaine qu'il l'éblouit et le fit chanceler quand il se leva pour s'approcher de la fenêtre ouverte ? Était-ce la brise d'été qui agitait le journal ou la main vigoureuse du capitaine qui tremblait comme une feuille secouée par un vent furieux ? Qu'était-ce ? Que pouvait-il y avoir ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Arthur, vous sentez-vous malade ? Vous êtes pâle comme la mort ! S'écria Claribel Walsingham. Le capitaine froissa le journal dans sa large main, et rejetant ses cheveux en arrière, il dit du ton le plus naturel du monde. « Les Lance, avez-vous dit ? Non, leur nom n'y est pas. Mais Arthur, qui a pu vous faire lever de table tout à coup comme cela ? Oh rien, une sorte de vertige. » Un étourdissement causé par la chaleur. Comme vous m'avez effrayé, capitaine Walsingham. Je pense parfois que vous êtes réellement un peu fou. Ma chère Claribel, je le pense aussi quelquefois. Donnez-moi donc la gazette. Je vais voir si je ne trouve pas le nom des Lance. Il lui tendit le journal tout froissé, en se laissant retomber dans son fauteuil. Puis il laissa errer son regard sur les arabesques de la tenture de velours. Elle parcourut avec soin la liste des noms des voyageurs nouvellement arrivés à Brighton. « Non, dit-elle, ils n'y sont certainement pas. Il n'y a personne au vaisseau, que Major Granville Varney et sa femme. C'est un joli nom, n'est-ce pas, Arthur ? Lequel ? Dit-il d'un ton distrait et sans tourner les yeux de son côté. « Granville Varney. Oh oui, n'est-ce pas, un joli nom ? Le major est au service de la Compagnie des Indes. Le connaissez-vous ? Intimement, il était dans le même régiment que moi. Je vais commander la voiture. » « Mettez votre chapeau, Claribel. Je vous conduirai à Markham Wood. J'ai une proposition à vous faire pendant que nous serons dehors. »« Une proposition ?»« Oui. Ou plutôt, j'ai une faveur à vous demander. Allez mettre votre chapeau comme une bonne et obéissante enfant que vous êtes, Et vous, Rupert, allez chercher votre casquette, je descends aux écuries. » Il sortit de la salle avec la démarche assurée des officiers de cavalerie. Mais quand il se trouva dans le vestibule, il demanda un verre d'eau et le vida d'un trait. Le valet de pied qui le lui avait servi fut presque effrayé en voyant le visage défait du capitaine. « Vous servirai-je un peu d'eau de vie, monsieur ? » demanda-t-il avec inquiétude. « Oui, Richard, je vais aller à l'office. Vous pouvez m'en préparer là. » Assis au milieu d'un brillant étalage de verre et d'argenterie, le capitaine Walsingham, anciennement au service de l'honorable compagnie des Indes orientales, s'évanouit tranquillement, la tête appuyée sur l'épaule de l'aide-sommelier. En forçant les bords d'une timbale à ouvrir ses dents serrées, l'on introduisit la moitié de l'eau-de-vie de France qu'elle contenait dans son gosier, et on allait appeler Mrs. Walsingham quand le capitaine ouvrit les yeux et dit en regardant vaguement autour de lui « Pour l'amour de Dieu, pas un mot de tout ceci à votre maîtresse. J'étais sujet à ces accidents dans l'Inde. Nous autres soldats, nous menons une vie un peu agitée là-bas, et nous en rapportons une constitution affaiblie et des nerfs irritables comme ceux d'une jeune pensionnaire. » Il avait quitté l'office avant qu'ils eussent eu le temps de lui répondre, et rentrant dans la bibliothèque, il ramassa le journal qui était tombé à terre. « Le major Granville Varney et Mrs. Granville Varney, » dit-il lentement et distinctement, « à 20 000 d'ici seulement. Ils entendront parler de moi, ils vont me dépister, me harceler, se moquer de moi, m'humilier, me torturer, me rendre fou, me perdre. Ils vont me rappeler leur marché infernal. Ils exigeront de moi jusqu'au dernier moment l'exécution de l'engagement que j'ai pris avec eux. Fou, fou, fou que j'étais de croire que même dans le coin le plus reculé de la terre, un homme pouvait fuir son passé. Je suis comme cet ancien braconnier de la porte du parc, dit-il en marchant à grands pas, qui se cache dans un coin ou rampe dans l'ombre, sans jamais parvenir à se dérober complètement à la vue. Quelle marque réprobatrice nous portons tous, dit-il avec un rire étouffé, et comme chacun peut nous reconnaître. Je me vois mieux représenté dans cet homme que dans un miroir. Je me vois en lui, fumant, ne faisant rien, errant et me cachant. Mais si je les déroutais, si je leur donnais le change par une combinaison intelligente, par le ciel, je le puis, si seulement elle veut m'aider. » Sa femme, tenant son fils par la main, entra comme il disait ces mots. Elle avait l'air calme et souriant sous son simple chapeau de paille et avec son léger châle de mousseline garni de dentelle. « Claribel, » dit le capitaine, quand ils eurent pris place dans le phaéton avec deux grooms sur le siège de derrière, et que les chevaux mâchaient leurs freins et piétinaient d'impatience. « Claribel, vous êtes si jolie aujourd'hui que je ne vous crois pas capable de me refuser si je vous demande une faveur. Eh bien, Arthur, faites votre demande, » dit-elle en riant. « Je voudrais passer cet automne à l'étranger avec vous, » dit-il en la regardant avec inquiétude pendant qu'il parlait. « À l'étranger, fort bien, à Paris. » « Plus loin que Paris, » dit le capitaine. « Plus loin que Paris, en Italie, en Allemagne, non. Ni dans l'un ni dans l'autre de ces pays. Je voudrais vous faire faire une vraie tournée d'artiste, Claribel, bien que je ne sois pas peintre. Je voudrais vous emmener dans un désert. Je voudrais vous emmener jusqu'aux colonnes d'Hercule. Voulez-vous y venir ?»« Mais, » fit-elle observer, « personne ne va là. Et pour quelle raison, Claribel, irions-nous où tout le monde va ? Nous n'avons pas besoin d'aller à Bade. » pour voir des boutiquiers de Londres se ruiner à Rouge ou Noir, ou à Naples, ou à Florence, pour entendre de fiers touristes bavarder, le guide Murray à la main. Non, Claribel, je vais vous enlever au monde. Voulez-vous venir ? Si vous m'avez jamais aimé, dites oui, ajouta-t-il avec une énergie fiévreuse. Dites oui, ma bien-aimée, et laissez-moi fuir cette terre de malheur. Nous avons déjà dit qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à la crainte dans les manières de Claribel avec l'officier indien. Elle consentit alors, comme elle avait cédé à sa prière sur le sommet de Beach's Ride, elle consentit, n'osant pas lui refuser. « Oui, Arthur, nous partirons si vous voulez, mais réellement vous devenez un peu fou. Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas le moindre doute sur ce point, mais vous êtes une adorable et bonne créature, et vous m'avez rendu le plus heureux des hommes. » « Allumez-moi mon cigare, et vous verrez comme je vais tourner le coin de la route de traverse du côté du bois. » La riche veuve du baronnet était la plus soumise des épouses pour le pauvre soldat. Elle lui permettait de fumer dans son salon blanc et argent. Elle les lui allumait quand il conduisait, et allait jusqu'à les lui mettre dans la bouche. s'il eût été en son pouvoir d'aimer autre chose que son fils Rupert Lessel. Elle aurait aimé certainement ce beau, ce fou, ce fringant militaire qu'il avait courtisé si hardiment autrefois. Mais elle avait une peur affreuse de ses accès de mélancolie silencieuse, et elle passait des heures à étudier chaque altération de son visage sombre pendant qu'il fumait ses éternels cigares, en tordant et caressant sa moustache noire, plongée dans une rêverie triste et profonde. Le capitaine fut toute la journée de la meilleure humeur, et lorsqu'on fut arrivé dans les profondeurs du bois touffu, on descendit de voiture, et un des grooms prit dans la caisse un petit panier contenant deux poulets, une corbeille d'abricots et deux bouteilles de vin du Rhin étincelant. Clarimel et l'enfant furent enchantés de cette collation improvisée, que le capitaine plaça de ses propres mains sur une nappe qu'il avait étendue sur la mousse épaisse au pied d'un vieil arbre. Il se mit à cheval sur une de ses racinoueuses, ayant le sourire sur les lèvres, fumant son cigare, et contemplant la mère et le fils assis côte à côte devant le petit banquet. « Comme vous êtes jolie, ma Claribel !»« Mettez ces feuilles de chêne dans les cheveux de votre mère, Sir Rupert. »« Non, non, pas comme cela. Tressez-les en guirlande, baronnet. »« Ma bien-aimée aux blonds cheveux, on vous prendrait pour la déesse tutélaire du lieu. »« Quel heureux homme que je vais être, Claribel, avec une femme riche, dont les cheveux ont la couleur de l'ambre de mes pipes, et qui consent à aller à la découverte des colonnes d'Hercule avec son époux. Vous m'avez acheté, Mrs. Walsingham, tout comme Sir Reginald Lessel vous avez acheté. C'est une compensation, la loi du talion, comme disent nos voisins. Vous payez mes habits et mes cigares, le vin que je bois et les gens qui me servent, et maintenant vous allez payer mes frais de voyage quand je vais fuir mes démons imaginaires. » Il était plus de 6 heures quand ils repèrent le chemin du château. Rachel Arnold ouvrit la grille. Son enfant, à la chevelure blonde, se cramponnait au pli de sa robe et regardait avec empressement l'autre enfant à chevelure également blonde, perché entre le capitaine et sa femme sur la première banquette du phaéton. Gilbert était appuyé contre la porte de son jardin, fumant sa sale pipe de terre, et c'est à peine s'il leva les yeux en portant la main à sa casquette de futaine déguenillée, quand la voiture passa devant la loge. Malpropre et parasé, ses cheveux noirs en désordre, avec ses yeux de chat clignotant, il se tenait là, immobile. L'ombre de son corps se projetait sinistre au travers de la route si directement sous les pieds des chevaux, que lorsqu'ils la traversèrent au grand trot, on eût dit qu'il passait sur le corps de l'homme lui-même. Le capitaine et sa femme avaient parlé de leur voyage projeté pendant toute l'après-midi. Ils devaient partir de suite. L'impatient de Walsingham n'avait pas de borne. Il aurait quitté le comté de Sussex le soir même si la chose eût été possible. L'enfant devait les accompagner, ainsi que deux des domestiques. On prendrait un courrier à Londres. Il n'y avait pas un moment à perdre en préparatifs superflus. Ils devaient traverser la France et là, compléter leurs arrangements selon les besoins de la route que l'on prendrait, mais ils devaient quitter l'Angleterre immédiatement. « Comme la maison est jolie aujourd'hui, Arthur !» dit Mrs. Walsingham quand son mari l'aida à descendre du phaéton. Et lorsqu'ils passèrent dans un vestibule rempli de fleurs exotiques et séparé de l'antichambre par une porte en glace. « J'aurais bien désiré que vous vous accommodassiez mieux de la vie anglaise. Je l'aurais voulu aussi, Claribel. Oui, la maison est jolie. Il faut que j'ai l'esprit aussi inquiet que Caïn pour fuir un tel paradis. » Ils étaient dans le vestibule quand un domestique s'avança, tenant à la main un plateau d'argent sur lequel étaient placées 2 cartes de visite. Celle d'une dame et celle d'un gentleman. « Qu'est-ce que cela ?» demanda le capitaine avec distraction. « Mettez-les dans le panier aux cartes de Mrs. Walsingham, Jervis. »« Mais cette dame et ce gentleman sont ici, monsieur. Ils ont voulu attendre votre retour et ils sont occupés à regarder les tableaux de la salle à manger. »« Les tableaux ?» Le capitaine ôta son chapeau et essuya la sueur de son front avec son mouchoir. « Qui sont ces personnes, Claribel ?» demanda-t-il à sa femme qui regardait les cartes. « Mais Arthur, on n'a jamais rien vu de plus singulier. Ce sont justement les personnes dont nous avons vu ce matin les noms dans le journal de Brighton, vos amis de l'Inde, le major Varney et sa femme. » En ce moment, la porte de la salle à manger s'ouvrit, et un visage souriant se montra dans le vestibule. « Ah, c'est ce chat camarade lui-même !» s'écria le possesseur de ce visage d'une voix franche et joyeuse. « Arthur, je vous trouve enfin, vieux renard. Vous voyez, je vous ai relancé. » « Eh, cher garçon, eh, vieux renard rusé, eh, cher camarade, et le major Granville Barnet fit entendre un long et retentissant carillon du plus joyeux rire qui puisse jamais surgir de poumons humains. Il s'élança et serra les mains de son cher camarade, de son vieux renard, à plusieurs reprises et des deux mains à la fois. Il n'y avait pas à douter de la joie que cette rencontre lui faisait éprouver. Il riait, il s'étranglait en riant, il répétait sans cesse les mêmes phrases d'une façon presque idiote, tant était grande sa joie. C'était un homme grand et fort, frais et rose. Il avait des yeux bleus qui brillaient d'un sourire radieux, et dont les paupières s'ouvraient et se fermaient si fréquemment que ses cils jetaient des éclats de lumière même en plein soleil. Ses dents étaient si blanches qu'elles brillaient presque autant que ses yeux. Ses lèvres étaient roses et son teint aussi frais et aussi uni que celui d'une femme. Ses moustaches, d'un brun clair, coquettement relevées, et la forêt de cheveux luisants et abondants qui encadraient son front reflétaient des teintes dorées. Et l'effet général faisait paraître son visage tout épanoui, de sorte que l'on ne pouvait le regarder longtemps sans être ébloui, presque autant que si l'on avait regardé la réflexion du soleil sur un verre brillant. Il portait d'amples vêtements négligés qui lui allaient merveilleusement. Une cravate de couleur claire nouée sans prétention autour de son cou, un paletot en velours à côtes, un gilet citron, et une quantité d'ornements en or qui pendaient et scintillaient à sa chaîne de montre. Ses mains étaient couvertes de bagues. Des pieds à la tête, il était éclatant, flamboyant, ébouriffant, et partout où il allait, il semblait répandre autour de lui des rayons d'une lumière dorée. Son vieux renard, pâle et défait, lui fit un accueil assez froid à Leslewood Park et le présenta à sa femme. Le major était dans le ravissement. « Je n'avais jamais entendu parler du mariage de ce mauvais garnement. Le croiriez-vous, madame ? Ce cher camarade l'a caché même à ses amis de Calcutta, ses amis qu'il aimait si tendrement, et avait une centaine de petites raisons pour prétendre à son affection, et je l'appris ce matin même par hasard Brighton, à l'hôtel du vaisseau. Vous dirai-je comment cela s'est fait, Arthur ? Mrs. Varney voulait faire une promenade en voiture. Je lui fis observer qu'il n'y avait rien à voir dans les environs, à une distance assez rapprochée pour que nous puissions nous y rendre ou que nous n'eussions déjà vu. Mrs. Varney ayant insisté, je demandai au garçon quels étaient les châteaux des environs que nous pourrions bien visiter. Le garçon nomma Leslewood Park. Bon, quel Leslewood Park ? Mais la résidence de Sir Rupert Lessell. Bon, nous irons jusque-là voir Sir Rupert Lessell. Nous n'eûmes pas un moment l'idée que Sir Rupert Lessell, baronnet, fut un jeune gentleman encore en tunique de velours. Très bien. Arrivé ici, nous demandons à visiter le château. On nous dit qu'on ne le visite jamais. « Quoi ? » nous écrions-nous tristement. « Jamais ? » !»« Jamais ! » répliquent les domestiques. « Le capitaine Walsingham a des raisons particulières pour cela. »« Le capitaine Walsingham ! » !»« Figurez-vous ma surprise, cher ami, car s'il vous en souvient, quand vous quittâtes Calcutta, vous n'étiez pas le moins du monde propriétaire de Leslewood Park. Figurez-vous toute ma joie, tout mon bonheur, en apprenant le bonheur de mon ami. Allons. Encore une poignée de main, mon vieux renard. « Ne faites pas le fou, major, » dit le vieux renard en réponse à ses paroles affectueuses. « Et ce cher camarade n'a pas encore demandé des nouvelles de notre pauvre Ada, qui bâille devant un beau Rubens de Sir Rupert Lessell, qui est accroché au-dessus de la cheminée de la pièce à côté, » dit le major en indiquant la porte entr'ouverte du salon, « lequel, entre vous et moi, et Mrs. Walsingham, et sauf le respect que je dois au baronnet, qui est encore bien jeune pour être un connaisseur difficile, n'est ni plus ni moins qu'une copie. » « Oui, » dit le major en s'adressant à Sir Arthur Walsingham. « Oui, Arthur, cher ami, une copie. Et je crois que je pourrais mettre la main sur le petit-fils de l'homme qui l'a faite. Un petit bonhomme d'Anvers, un juif, Mrs. Walsingham, mais un génie. La couleur de Rubens est héréditaire dans sa famille, et tout marchant le tableau vous dira où l'un de ses membres a mis la main. » Le capitaine baissait tristement les yeux sur ses bottes pleines de poussière et ne paraissait prendre aucun intérêt au talent artistique des juifs d'Anvers. Le major Varney regardait autour de lui avec un sourire étincelant comme un homme qui attend que quelqu'un veuille bien dire quelque chose d'aimable. Le capitaine ne quittait pas ses bottes des yeux. « Arthur, » dit l'officier supérieur en caressant d'une de ses belles mains couvertes de bijoux, sa moustache blonde. « Mon camarade, vous me recevez comme si j'étais un huissier, et la pauvre Ada, vous allez assurément me demander de ses nouvelles. »« Ah oui, » répondit le capitaine, « comment va Mrs. Varney ?» « Mrs. Varney !» s'écria le major avec une tristesse pleine de reproches. « Il y a 2 ans, ma chère Mrs. Walsingham, c'était toujours Arthur et Ada, entre ses chers enfants. « Mais venez ici, mauvais capitaine, venez voir votre ancienne amie. Mrs. Walsingham, ma femme sera enchantée de vous, et vous serez enchantée de ma femme. Vous êtes jeunes, toutes deux éminemment charmantes. » ajouta-t-il en saluant Claribelle, l'une vive, l'autre calme et tranquille. « Ada !» dit-il en élevant la voix. « Oui, chère. » Deux syllabes seulement. Mais deux notes d'un fluide magique qui allait droit au cœur et le faisait vibrer d'une manière inconnue, comme si sa corde la plus exquise et la plus sensible n'eût point encore été touchée. C'était une voix qui semblait douloureusement agréable. Mrs. Varney apparut à la porte du salon et s'arrêta sur le seuil, comme un tableau dans son cadre. Une portière de velours vert qui pendait des deux côtés de la porte ajoutait à l'illusion. La lumière tombait par derrière de la grande fenêtre du vestibule, et elle était si belle que le soleil semblait concentrer sur elle tous ses rayons et laisser tout le reste de l'appartement dans l'ombre. Le major même cessait d'étinceler. Elle était vêtue d'une robe de soie brochée d'un gris d'argent éclatant, ornée de franges et de rubans violets. Un grand châle de dentelle noire épaisse tombait autour d'elle, non comme un châle, mais comme une draperie, s'échappant en liberté de son épaule et formant des plis savants sur la jupe de sa robe. Elle avait ôté son chapeau et ses cheveux d'un brun foncé tombaient en désordre sur ses épaules. Ils n'étaient pas arrangés ni peignés comme les cheveux de tout le monde, mais ils semblaient rejetés en arrière pour tomber en boucle singulière dans un abandon délicieux. Son visage était du type oriental le plus pur, le nez petit et aquilin, les yeux noirs comme la nuit, dessinés en amande plein de langueur et à demi voilés par des cils longs et noirs comme du jais. Ses lèvres un peu saillantes étaient d'un rouge vif, son teint pâle et olivâtre. Mais à cette glorieuse splendeur de lignes et de couleurs se mêlait le charme plus séduisant encore d'une ravissante expression enfantine. Ses ennemis, impuissants à nier ses charmes, déclaraient qu'elle était juive. C'était tout ce qu'ils trouvaient à dire. Elle demeura quelques instants dans la même attitude, immobile comme une statue. Il semblait qu'instinctivement elle fût accoutumée à attendre que la surprise et l'admiration causées par son aspect fussent passées. Alors, tendant une petite main délicatement gantée, elle s'approcha du capitaine qui l'avait regardée comme si lui aussi la voyait pour la première fois. « Capitaine Walsingham, avez-vous donc tout à fait oublié Calcutta ?»« Oublié Calcutta, je parie que non !» dit le major avec un éclat de rire sonore. « Pas le moins du monde, Mrs. Varney. Le passé est un maître presque toujours coûteux, mais il serait un mauvais maître si nous devions sitôt oublier ses leçons. » « Il parle, dit le major toujours riant, comme la morale d'un roman au dernier chapitre. Vieux renard, il s'est rangé à la fin, comme disent nos amis de l'autre côté du détroit. Mais allons, Arthur, présentez ces dames l'une à l'autre. » La face bronzée du capitaine prit une teinte encore plus sombre que de coutume. « C'est à peine nécessaire, dit-il. Ma femme et moi, nous partons demain pour le continent. Venez, Claribel, venez, baronnet. » Il prit l'enfant par la main et se dirigea vers la porte de la bibliothèque, tournant résolument le dos au major et à sa charmante femme. Mrs. Walsingham le regardait avec étonnement. Elle l'avait vu souvent brusque et étrange, mais jamais jusqu'à présent elle ne l'avait vu aussi grossier et aussi malhonnête. Le major ne paraissait pas le moins du monde embarrassé. Il riait doucement en lui-même, et avant que le capitaine Walsingham eût le temps de quitter le vestibule, il avait commencé à chanter d'une belle voix de ténor les premières strophes d'une des mélodies d'amour. « Ne t'enfuis pas encore, car l'heure est venue. » Arthur Walsingham s'arrêta subitement, comme s'il avait reçu à bout portant la décharge d'un pistolet. « Songez-y mieux, cher camarade, » dit le major quand il eut fini le couplet, exécuté une très artistique fioriture sur l'avant-dernière note. « Songez-y mieux, mon ami, et présentez Mrs. Walsingham à Mrs. Barnett. « Présentez-les, Arthur, et échangez, je vous prie, d'avis quant à votre voyage sur le continent. Je pense réellement que c'est ce que vous avez de mieux à faire. » Le capitaine présenta sa femme et Mrs. Varney l'une à l'autre. Claribel paraissait très bien disposée envers la belle étrangère. « N'inviterez-vous pas vos amis à dîner, Arthur ? » dit-elle à l'oreille de son mari. Il ne lui répondit pas. « Emmenez Mrs. Varney au salon, Claribel. Et vous, major, venez fumer un cigare sur la terrasse avec moi. » « Une douzaine de cigares, mon cher ami, car j'ai bien des choses à vous dire. » Les deux hommes arpentèrent la terrasse jusqu'à ce que la cloche suspendue à la coupole du vestibule sonna le dîner. Les dames étaient assises auprès d'une des fenêtres du salon et voyaient qu'ils étaient en grande conversation. Le major était très agité et ajoutait à ses paroles bon nombre de gestes. Le capitaine Walsingham marchait la tête penchée, les mains dans ses poches. Il était remarquable que plus le major était vif, radieux et animé, plus il gesticulait et riait fort, plus son compagnon fumait avec une ardeur plus marquée et paraissait plus abattu. Et l'on eût dit qu'il allait consumer son cigare en une demi-douzaine d'aspirations féroces. Quelques minutes après que la cloche eut cessé de sonner, le capitaine Walsingham se dirigea vers la porte suivi de son ami. « Claribel, dit-il, le major m'a persuadé de remettre notre voyage jusqu'à ce que lui et sa femme puissent se joindre à nous. Il m'a promis en même temps de nous faire le plaisir de passer avec nous une semaine ou deux. » Ce cher Arthur a été si éloquent dans ses instances hospitalières, Ada, que sans consulter votre bon plaisir ou Mrs. Walsingham, qui, j'y pense, peut trouver ses amitiés indiennes bien désagréables, j'ai consenti à rester ici quelques jours. Mais j'ai avec moi ma voiture, Arthur. Cela vous gênera-t-il ? Non, il y a de la place aux écuries. Vous avez votre cocher, alors ? Oui, un excellent garçon. Il sera une véritable bonne fortune pour vos gens. Le major et Mrs. Barney occuperont les chambres bleues, Claribel. Voulez-vous donner des ordres à Carson ? Oui, Arthur, immédiatement. Je suis bien heureuse que vous consentiez à rester avec nous, ajoutant Mrs. Walsingham en se tournant vers Ada Barney. Vous l'aimez déjà ? Dit Major. J'en étais sûr. Tout le monde l'aime. Ils quittaient ensemble le salon quand le Major s'arrêta à la porte et jetant un coup d'œil dans l'appartement qui dominait les vastes jardins, le lac et les bois, il dit « Ainsi, c'est cela, Littlewood Park. Arthur Walsingham, vous êtes un renard plus rusé que votre supérieur. »